c'est l'année Jeunot, nous sommes 50 ans après sa disparition. On parle, allez, je vous fais plaisir, de l'homme qui plantait des arbres. Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place. Jean Giono, la Provence, plus haut et au-delà. Je n'aime pas Alphonse Daudet. Je n'aime pas trop la chèvre du M. Seguin. Ce n'est pas la Provence, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus important dans la Provence. Je ne veux pas qu'on dise de rigolade sur la Provence. Quelquefois, quand on lit Eschyle ou Sophocle, et qu'on voit, qu'on entend par exemple un cri terrible des héros grecs, on voit presque tout de suite les solitudes de Lure avec les grandes fermes presque fortifiées qui sont autour, avec les lavandes. Ce sont presque des choses grecques. On pourrait l'Orestie, là, tout à fait. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En 1970 disparaissait Jean Giono, beaucoup d'événements, de publications. Cette année, un 9e volume de La Pléiade, et puis un cahier de Lerne consacré à Jean Giono. Notre invitée, Agnès Castiglione, en est la co-directrice. Bonjour. Bonjour Jean Lebrun, merci pour votre invitation. C'est la première fois que vous parlez ? C'est la toute première dans le poste fois dans un poste. Oh on va vous mettre sur le grill, vous allez voir. Vous rajouteriez, oui, l'Orestie, mais le meilleur écrivain, peut-être, pour parler de la Provence, hors Giono, selon Giono, c'est... Ah, Giono l'a dit, hein, le meilleur écrivain qui a parlé de la Provence, c'est Shakespeare. Comment ça ? Parce que sa Provence n'est pas du tout le Midi, n'est pas du tout la Côte d'Azur qu'il avait en horreur. Sa Provence est grecque, en effet. C'est-à-dire qu'il a peuplé tous ses paysages des lectures nourries qu'il faisait quand il était tout jeune. Et il a peuplé, en effet, ses terres, des souvenirs des anciens dieux. Il en a fait le paysage de l'Orestie, en effet. Mais aussi, comme c'est la haute Provence, de ses plateaux désolés, de ses assises arides, de ce climat rude, de cette humanité sauvage. Et il en a fait le théâtre de passion shakespearienne. Et donc, pour lui, le meilleur écrivain pour parler de la Provence, c'est bien Shakespeare. Il aimait les atlas, il utilisait les cartes, aussi bien les cartes au 25 millième, les anciennes cartes d'état-major qui peuplaient sa maison, que les atlas et planisphères. Si vous définissiez la Provence, sa Provence géographiquement, du plus petit au plus grand. Alors du plus petit au plus grand, il faudrait partir de ce beau sein rond qui est une colline et qui est le Mont d'Or à Manosque. Et c'est là qu'il a finalement passé l'ensemble de sa vie. Alors si nous rayonnons autour la haute Provence de Giono, géographiquement, elle se tiendrait sur la montagne de Lure, la terrible montagne de Lure, le plateau de Valensole, à la fin de l'œuvre sur les plateformes du Haut-Var. Mais ce sud imaginaire peut également se transporter plus au nord, dans la région du Trièves, c'est-à-dire autour du col de la Croix-Haute, où il a domicilié un très grand nombre de ses intrigues. La capitale des terres sauvages, c'est Manosque. Enfin, il aurait pu naître ailleurs, parce que son père était piémontais, sa mère parisienne, oui, et picarde. Oui. Son père, il n'a jamais étouffé sa sensualité. Au contraire, c'est à son père qu'il doit, l'a-t-il dit, dans le très beau Jean le Bleu, qui est un hommage bouleversant à la figure rayonnante de ce père lui a légué, oui, cette sensualité qui est une adhésion au monde, le goût de la réflexion, le goût de la poésie aussi. Famille modeste, le père cordonnier, la mère blanchisseuse, et lui-même, pendant longtemps, dès avant la Première Guerre mondiale, employé de banque. Dans le cahier de Lerne, Éric Vuillard le décrit, employé très modeste. Alors, il prend le parapluie des gros clients, il leur avance le fauteuil. Les garçons de course, ouais, au départ, oui. Ouais. Il commence comme ça, à 16 ans. On est en 1911, son père, qui a 50 ans de plus que lui, a eu une première attaque. Et Giono comprend qu'il doit subvenir aux besoins de la maison, il rentre à la banque. Et il va courir la Provence pour distribuer les coupons, parce qu'à l'époque on distribuait les coupons. Ce qui lui a permis de voir ses solitudes sauvages et ses passions terribles en faisant le démarchage de la banque. Ce qui lui a permis aussi de parler en profondeur et avec justesse de la vie de la banque. Par exemple, dans un film de 1960, parce que c'est un homme de cinéma aussi, Giono, il a même été, pour ce film, producteur auteur-réalisateur. Le personnage principal, c'est Fernandel. Et Fernandel, il trouve un trésor de faux billets. Que va-t-il en faire? Il va à la banque. Vous avez de l'argent à placer. Oh, il est placé, je ne serais pas venu comme ça sans l'avoir placé. Il est placé, bien placé. Ah, bon. Et qu'est-ce que vous avez acheté? Des valeurs industrielles ou... Des valeurs industrielles? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que le font les valeurs industrielles? Elles baissent. C'est le moment d'acheter. Acheter quoi? Oh, bah alors là, ça c'est vraiment l'embâchat du roi. Hein? C'est l'embarrois. Non, bah, c'est facile. Il n'y a qu'à prendre la cote. Tout ça, ça baisse. Tout ça, c'est bon à acheter. Tout. Tenez, là. Et le pétruc, le pétrole. Oh là là, le pétrole. Et la métallurgie. Et qu'est-ce que je ferais de la métallurgie? Oh, rien. Moi, je voudrais acheter des choses qui font plaisir. Oui, qu'est-ce que vous avez, des millions? Oh, c'est pire. Vous n'avez quand même pas des milliards? Ah, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais beaucoup plus gros. C'est pas possible. C'est parce que vous vous rendez pas compte des choses. Mais des milliards, c'est incompréhensible. Vous avez pas envie d'une bicyclette? Ah oui, une bicyclette, ah oui, c'est ça. Eh bien, avec des milliards, c'est pas une bicyclette qu'on peut s'acheter. C'est 10 000 bicyclettes. Et pas par an, ni par jour, par seconde. Vous entendez? Par seconde. 10 000 bicyclettes. Comment? Des 1 000 cyclibètes. enfin, 10 000. Pan, 10 000. 10 000. Franck Livard nous a découpé en tranches Crésus avec Fernandel et on en passerait bien quantité d'extraits, mais vous nous avez expliqué que c'était pas la Provence de Daudet, la Provence de Giono, Agnès Castiglione. C'est pas non plus la Provence de Pagnol, alors il faut pas abuser de Fernandel. Non, mais là, dans Crésus, c'est Fernandel et effectivement, c'était aussi Fernandel chez Pagnol et cela a certainement contribué à un malentendu qui a fait associer Giono à Pagnol, en effet, et à faire de Giono un écrivain régionaliste, ce dont il s'est toujours défendu fermement. Ça, il n'y a pas de Provence. Il dit que ça n'est pas la Provence pure et simple. Ce que j'ai fait, c'est le Sud imaginaire. Au fond, comme son cher Faulkner avait fait pour son comté de York Napatofin, il a créé. Vous arrivez à le dire. Il a créé le Sud imaginaire de. Oui, parce qu'il dit, si c'est pour faire des défilés comme à Arles, des poèmes en faux provençal, ou bien des tartarinades, moi je me fais Samoède. Oui, il a dit ça, oui. Et les tartarinades, c'est comme les analyses d'urine pour les pharmaciens. Bon, on va pas être plus sévère encore, et pour nos amis les potards, et continuer à raconter des pagnolades. Les personnages provençaux qu'il aime... Ce ne sont pas les plus loquaces, ce sont souvent les plus silencieux. Vuillard dit, ceux qui découpent sans rien dire les coupons de laine à la foire, les trimardeurs qui rêvent sans se manifester davantage quand ils arrivent dans un village. Ou bien alors ce personnage dans L'homme qui plantait des arbres. Nous sommes dans les années 50, sélection du Reader's Digest, commande des papiers. Oui. Et on lisait ça avec passion quand on était petit, l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. L'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Alors lui, il en a trouvé un. Alors il en a trouvé un qu'il a inventé. Ah bon ? Qu'il a inventé, absolument, si bien que la commande a échoué. C'est-à-dire que quand le Reader Digest s'est rendu compte que Elzéar Bouffier n'avait jamais existé ailleurs que dans l'imagination de Giono, eh bien, il n'a refusé de publier, finalement. C'est très amusant, cette histoire. Il a découpé une photographie. Il allait chez les brocanteurs. Il prenait des vieux albums de photographie et il a envoyé une photo fausse, évidemment, d'un personnage inconnu qu'il a intitulé Elzéar Bouffier. Voilà. Il n'en reste pas moins qu'Elzéar Bouffier aujourd'hui à sa rue dans Bannon. Ah, alors le voici, tel qu'il est portraituré par Giono, tel qu'il a été refusé par Sélection, tel qu'il est lu par Gérard Lartigot. Sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, Le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumai ma pipe. Je me proposai pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistai pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta. Et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Ben, peut-être sélection, le journal aurait-il préféré quelqu'un de plus bavard? Alors, de plus réel, d'abord. Oui. De plus bavard aussi. Le silence, le mot silence. Alors, c'est très important, le silence, dans l'œuvre de Giono. Quand il est allé en Italie, en voiture, en quatre chevaux, il disait que c'était très commode quand on arrêtait le moteur pour profiter du silence. Très important, le silence. Il y a cette forme de silence dans son œuvre, qui s'écrit avec un A, que lui écrit le plus souvent avec un E, pour favoriser la confusion des deux termes. C'est sur le plateau d'Albion. Oui, alors, il la déplace, hein. On la trouve aussi, dans Les Vraies Richesses, on la trouve aussi du côté du Trièves. C'est une ferme, il parlait des fermes fortifiées, c'est ça, silence. On la trouve aussi dans Deux Cavaliers de l'Orage, cette ferme. Oui. C'est-à-dire que si on toque à la porte, vous pouvez être sûr que plus vous toquez fort, moins il y aura de réponses, oui. Parce qu'on est réfugié dans l'isolement. Oui, et on déteste ça. Le voisinage. Voilà, on déteste le voisinage, on s'isole loin les uns des autres, on vit comme des radeaux perdus dans cette immense mer qu'est le plateau sous la varlope du vent. Les gens sont des radeaux perdu, c'est-à-dire sans relation entre eux, dans une sauvagerie totale. Radeau perdu est une des nouvelles de Solitude, de la Pitié, justement, où il montre et cette lèpre qui abîme et fait souffrir le plateau Grémone au début de Que ma joie demeure, c'est ça, c'est cette solitude des individus isolés sur ce plateau. Blanche Buffet, la nièce de Bernard Buffet, qui était un ami de Giono et qui vivait à l'époque avec Pierre Berger, raconte comment, un jour, au milieu d'une conversation, il arrête tout et il leur fait écouter le silence aux uns oui, et aux autres. Oui, exactement. Imposer silence à Pierre Berger. Mais l'homme qui plantait des arbres, on pourrait en faire d'autres interprétations encore, on pourrait en faire une interprétation écologique, pour faire plaisir à Camille Cronier, qu'on entendait tout à l'heure, sauf que, avec ses glands-là, il plante des chênes, et puis les chênes vont devenir des arbres, et puis la forêt va permettre de faire revenir beaucoup d'hommes. Oui. C'est pas un écolo passif qui se confond avec mer, la terre, c'est un démiurge. C'est un démiurge, bien entendu. Bien entendu, oui, et on peut... cette histoire de l'homme qui plantait des arbres, ça vient de son père. Hein. Il a dit que son père faisait cela dans son enfance. Bien sûr, c'est un démiurge, il crée cette forêt, il restaure... C'est aussi, en quelque sorte, une métaphore de l'œuvre littéraire, on peut le dire aussi. Alors maintenant, musique, avions-nous prévu. Musique. C'est préparé, les émissions... mais on aurait pu mettre Bach, que oui. Ma joie demeure. Bien sûr. Il y a des cantates de Bach qui poussent comme des champignons, dites-vous. Non, c'est un allegro. Il a dit à Pierre Citron que tel allegro de Bach sentait les champignons. On a parlé de son appareil sensoriel particulièrement délié et aiguisé, et il était d'une richesse extraordinaire en synesthésie, c'est-à-dire en transfert de sensations d'un sens à l'autre. Non, alors, on aurait pu mettre du Jacques Bertin, parce que vous aimez beaucoup Jacques Bertin. Un jour, vous allez lui consacrer un livre, comme à Michon ou à Giono. Oui. Mais je pense que c'était beaucoup plus de circonstances. Une bonne vieille musique écossaise, après qu'on a dit qu'on n'allait pas écouter de tartarinade, alors voilà, des cornemuses écossaises. Mais pourquoi l'Écosse? Eh bien, vous en parlerez tout à l'heure. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Je rappelle à mon invité Agnès Castiglione qu'en principe, le titre de l'émission en cette année Giono, pour le 50e anniversaire de sa mort, c'est Giono, la Provence plus haut. Alors pourquoi diable l'Écosse? Alors l'Écosse, parce que c'était le pays selon ses vœux. Il a souvent dit dans des entretiens, il était né en Provence par le plus grand des hasards, ce pays ne lui convenait pas. Il a même employé fait état d'une comparaison amusante. Il a dit que la Provence était pour lui comme l'était Odette pour Swann, une femme qui n'était pas son type. C'était un pays qui n'était pas son type. Trop de soleil, pour lui, le soleil n'est pas joyeux, ça n'est pas le soleil qui fait chanter. Le soleil est tragique, hein, le début du hussard sur le toit. Il y a des guerriers de l'Arioste dans le soleil. Voilà. Donc, le soleil est terrible. Et le pays, selon ses voeux, c'était l'Écosse, parce qu'il y a des pluies, il y a des brumes et il y a des mystères. Et il est allé en Écosse, d'ailleurs, quand sa fille a été en poste en Écosse, et lui qui n'a jamais voyagé très peu, un peu en Italie, dans la deuxième partie de sa vie, il est tout de même allé en Écosse et il a en effet trouvé que c'était le pays selon ses voeux. Alors, la pluie, quand elle tombe sur les toits de Provence, ça lui rappelle la mer. Oui. Le vent, la varlope, oui. Dites-vous. Mais la sécheresse, alors le soleil est assassin et l'eau peut manquer. Oui. L'eau peut manquer, et si l'eau manque, c'est colline. Hein, c'est colline. C'est-à-dire la fontaine, le premier livre qu'il a fait connaître. Le premier livre qu'il a fait connaître, et qu'il a fait connaître tout de suite. Il avait écrit Naissance de l'Odyssée avant, qui avait été refusé comme étant un jeu littéraire. Colline l'a fait connaître, et oui, c'est son premier livre, qui sera suivi de Un de Beaumugne et de Regain, et les trois seront intitulé la trilogie de Pan, c'est-à-dire c'est sous le patronage du dieu Pan, parce que la terre, pour Giono, elle est ambiguë, elle est à la fois source d'une extase extraordinaire et d'une terreur tout aussi violente comme le dieu Pan. Il a parlé de cette vacuité de la terre à perte de vue et cette peur de la terre qui l'étreignait. Alors il y a aussi le trop plein d'eau, la surabondance d'eau. On est ici dans un film de commande des années 50 qui s'appelle L'eau vive, dont vous pouvez peut-être nous rappeler les circonstances de cette commande. Les circonstances de cette commande, je crois que c'est EDF qui a construit le barrage de Serre-Ponçon sur la Durance. On va la faire rentrer à l'usine, sa rivière des Égionaux. Et donc il a écrit Hortense, enfin le scénario de L'eau vive, qui a eu du succès, et qui a eu du succès auprès des cinéastes de la Nouvelle Vague. C'est étonnant de voir comme Godard, par exemple, a aimé ce film en disant que Giono faisait passer un vent frais dans le cinéma français. Jean-Luc Godard, voilà. Donc le déluge approche dans L'eau vive. Oui. Le village va être noyé, tu le sais. Et moi, je voulais te dire que quand c'est 4 matins, on va exhumer mon mari, l'Arthur, ton frère, et le Paul, mon fils, qui est déjà venu de Verdun. Et moi, va falloir que je prenne les cercueils sous le bras. Je fiche le camp. Oh, sous le bras, on te donnera la main, va. Et puis c'est pas pour demain. Pas pour demain. À force de dire c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Allez, bonsoir, Simon. Bonsoir, Joséphine. Les inondations, l'engloutissement, ça approche. Et il va falloir déplacer les cercueils. Est-ce qu'on va les porter sous le bras ? Agnès Castiglione, la surabondance de l'eau, on trouve ce thème ? Ou bien le manque d'eau dans beaucoup alors, de livres comparables sur la Provence ? Un autre la surabondance de l'eau, c'est Bataille dans la montagne. C'est le glacier de la Treille, parce qu'un redout a fait fondre la poche d'eau qu'il contenait, et ces 5 villages qui se trouvent coupés du monde par une inondation cataclysmique. Et puis, comme toujours chez Giono, un sauveur va naître de la communauté, c'est Saint-Jean, qui sauvera la communauté de cette inondation. Donc, on a parlé de l'incendie de Collines, l'inondation de Bataille dans la... Oui, il y a beaucoup de cataclysmes chez Giono. Vous parlez de sauveur, les anges peut-être ? Non, je dis ça parce que vous avez fait votre oui. thème sur les anges chez Giono. Alors, les anges, ils ont un rôle salvateur ? Ils ont un rôle... La figure du sauveur chez Giono est très récurrente. On a très souvent, il y a un schème picaresque, hein, c'est la route, c'est l'errant, et puis qui porte dans une communauté atteinte par le mal un sauveur. C'est par exemple Saint Jean, dont je viens de parler dans Bataille dans la montagne. C'est Antonio qui va rechercher en pays rebeillard dans le champ du monde le Besson de Matelot. C'est Langlois, le capitaine de gendarmerie Langlois, qui vient dans le village en proie au crime et à l'hiver et à la neige, dans un roi sans divertissement. Donc oui, il y a des sauveurs. Alors vous me parlez d'anges. Ben, vous voyez, il y en avait un dans le bureau, il y en avait un au haut de l'escalier, c'était oui, le même d'ailleurs. C'est un ange accueillant que dont Giono ne s'est jamais séparé, en effet, et qu'on voit sur un grand nombre de photographies, sur celles qui se trouvent dans le cahier de Lerne, il est en haut de l'escalier. Mais Giono s'est déplacé dans sa maison, de bureau en bureau, avec toujours ses objets, l'ange, et puis ce tableau des chevaux mongols, qu'on voit aussi très souvent sur les photographies qu'il représente dans son bureau. Et puis il ne se séparait pas non plus. Allez, je raconte, picorant dans les pépites des cahiers de Lerne, de sa bague étrusque. Oui, la bague étrusque. Qu'il avait qu'il au avait petit perdu. Doigt et qu'il avait perdu. Oui. Mais la catastrophe a été réparée. Mmh. Alors restons tragiques. Vous avez parlé plus d'une fois du Hussard sur le toit. C'est un livre de 1951. En voici l'adaptation par Jean-Paul Rapneau, Angelo, un Italien. Ah, vous Dieu sait ce qui vient d'Italie. L'ange, hein. L'ange. Ouais. Oui, l'ange, d'accord, mais il arrive dans un paysage d'extermination. Nous sommes en 1832. Que s'est-il passé en 1832 ? Allez chercher un litre de vin, vous lui verserez dans son avoine. Si j'ai ma sœur qui va pas bien. Faites ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'ils ont à sonner comme ça ? C'est pour appeler le docteur. Il est parti faire sa tournée, mais nous, depuis ce matin, on a au moins 5 malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les pluies. Ça va pas, vous aussi ? Ma chère mère, vous qui me dites toujours de vivre dans l'imprudence, eh bien cette fois, vous serez contente de moi. Je vais à une ville qui s'appelle Manosque. Là-bas, vivent beaucoup de nos amis en exil. Ce sont eux les plus menacés. Je trouverai, j'espère, un de nos messagers pour vous porter cette lettre. Êtes-vous resté à Turin ? L'Italie me paraît si loin. Vous étiez là, dans le village ? Oui. Il y a des malades ? Non, des morts, il y a des morts partout. Vous les avez touchés ? Touchés, non, j'ai voulu les... Restez là, bougez pas. Occupez-vous des chevaux, je vais voir. Mais, qu'est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts ? Il y en a qui se cachent. À la Baume, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil. Mais quoi, qu'est-ce qui est pareil ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique. Tombé de la lune ou quoi ? Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu. Angelo tombé de la lune et le médecin, le choléra morbus de 1832. Oui, C'est la grande épidémie de choléra. Giono exagère les symptômes, les morts, et il s'est beaucoup documenté, mais il a sollicité aussi beaucoup de livres sur la grande peste de Marseille. Toujours est-il qu'il peint une catastrophe épouvantable. Et Giono, en mettant cet Angelo dans cette catastrophe épouvantable, lui fait traverser cela. Et nous parlions des hauteurs, la Provence des hauteurs, et l'itinéraire d'Angelo, ça sera celui-là, toujours monter. Il part de Manos pour monter jusqu'à Théus, et puis au-delà, jusqu'aux montagnes derrière lesquelles se trouve l'Italie. Et il traversera indemne cette épouvantable catastrophe. C'est l'Épidaure sur le cheval noir, très romanesque, stendhalien, héroïque. Mais on peut faire aussi des comparaisons. Je veux dire que la Provence au-delà, et ses catastrophes, on les retrouve dans Pagnol, avec qui il s'entendait moyennement, le temps des secrets, c'est la peste de Marseille. Oui. Dans Camus, bien sûr, la peste, dans Mort à Venise, et dans le livre de son disciple, La caverne des pestiférés, son disciple Jean Carrière. Jean Carrière, oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire, il dit que c'est comme... comment a-t-il dit ? C'est la catastrophe permet d'éprouver le caractère. On voit le caractère dans la catastrophe. C'est ce qui se passe pour Angelo. C'est ce qui se passe pour Angelo. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça que vous vouliez dire. Oui. Ou peut-être demain. Il y a une phrase d'Éric Juillard, je reviens au papier qu'il a donné dans le cahier de Lerne que vous co-dirigez. La langue de Giono est singulière, à certains égards obscure. C'est une langue où, comme à Venise, mort à Venise, durant la peste, l'intelligence ne suffit plus. Ah oui, l'intelligence ne suffit plus, oui. Si on parle de... En effet, il n'y a pas de théorie chez Giono, jamais. C'est un écrivain de la sensation, c'est un écrivain de l'image, de l'imaginaire, bien entendu, on parlait de l'acuité de ses sensations et de le rayonnement qu'elles ont dans l'imagination, la puissance du langage à les convertir en métaphores, lesquelles métaphores ont cette émotion vive chez le lecteur. Et donc, en effet, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de réflexion. Oui, l'intelligence, et en particulier dans l'épouvantable catastrophe du choléra, là, l'intelligence ne sert de rien, en effet. Ne sert de rien, vous exagérez. Dans le cahier de Lerne, un des derniers articles est consacré à l'échange de correspondantes avec Henri Pollès, au musée des Champs Libres, en Bretagne. Vous connaissez assez la Bretagne, Agnès Castiglione. Il y a la reconstitution de la maison incroyable. Qu'Henri Pollès avait construit autour de ses livres et de ses bibliothèques. Il est mort d'ailleurs dans l'incendie de sa bibliothèque. Et alors, il était courtier en livres, faute d'avoir suffisamment de succès avec ses propres ouvrages. Et alors, Giono et lui s'écrivent sans cesse, et Giono veut des livres chinois. Oui, c'est extraordinaire. Giono est un lecteur prodigieux. Il a commencé, on parlait de l'entrée à la banque pour subvenir aux besoins de la famille, avec sa toute petite paye de petit garçon de course au comptoir national d'escompte. Il en prélève 95 centimes tous les mois pour acheter les classiques Garnier, qui étaient moins chers que les romans contemporains. Et il constitue comme ça une culture, commence par les classiques, quoi, les tragiques grecs, Virgile, le prophète. Oui, mais les Chinois, il avait 300 livres anciens chinois. Il est arrivé, en effet, à la fin, avec les Chinois. Et Pollès lui dit, mais alors, vous voulez vraiment des livres chinois? Parce qu'il a fini par croire qu'il parlait le chinois. Et puis, connaissant par cœur toutes les éditions rares, les rééditions, les... Oui. Comme quoi, le titre de notre émission, La Provence plus haut et au-delà. Au-delà, et ben ça se justifiait. Merci à vous, Agnès Castiglione. Merci. C'est Franck Olivard qui a préparé cette émission. Je signale aussi le 9e volume de La Pléiade, une exposition à Gréoux-les-Bains sur Lucien Jacques, le vieux camarade de Jean Giono. Et puis le site des Amis de Giono, on trouvera tout ça sur notre propre site. Très important, il faut citer Juliette Delperroux et surtout la réalisatrice Audrey Ripouille.